cette force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma sœur, réveillez-vous. Ça fait longtemps que vous n'arrivez plus à vous réveiller le matin. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi. Est-ce que tu sais que le diable a peur de tes prières? Lorsque tu commences à invoquer le nom de Jésus, les puissants des ténèbres sont déstabilisés. Au lieu de commencer à murmurer, à te plaindre, à te lamenter, prie, prie, ma sœur. Ne commence pas à pleurer. Ne pleure plus. Invoque le nom de Jésus et tu auras la victoire dans cette situation, dans cette épreuve. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille tes enfants. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Nous allons lire Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons donc Romains 5, 12 à 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que les dons gratuits deviennent justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons partager quatre vérités tirées de ce texte et qui vont inspirer nos prières de ce matin. Voici la première vérité. Le péché d'Adam a entraîné toute l'humanité dans la mort et la condamnation. Ça, c'est une vérité indéniable que chaque chrétien et particulièrement chaque évangélique doit connaître. À partir du premier homme, Adam, il nous a représenté. Lorsqu'Adam a désobéi, la Bible nous dit que tous nous avons péché. Même lorsque tu n'étais pas encore né, est-ce que tu comprends? Parce que Adam t'a représenté. C'est ainsi que le péché s'est étendu à tous les hommes parce que tous ont péché. Et le péché a amené la mort. Quand on parle de la mort, c'est la mort dans toutes ses dimensions. Il y a d'abord la mort spirituelle qui est la séparation entre l'homme et Dieu. Toute personne qui n'a pas encore Jésus est morte spirituellement, séparée de Dieu. Le jour où Adam a mangé de ce fruit, il était mort spirituellement. Et il y a aussi la mort physique, la séparation entre le corps et l'âme. C'est aussi une conséquence du péché. Et si la personne ne se convertit pas, il y aura maintenant la troisième mort qui est la mort éternelle qui entraîne l'homme à la condamnation, qui entraîne l'homme à l'enfer. Est-ce que tu comprends? Nous devons savoir cette réalité. C'est pourquoi toi qui me suis, il ne suffit pas de dire, moi je pars à l'église les dimanches, moi je pars à la messe. Si tu n'as pas encore cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es pécheur et tu es voué à la condamnation et au jugement. Repends-toi. Deuxième vérité, par l'obéissance de Jésus-Christ, nous sommes maintenant justifiés et nous bénéficions de la grâce de Dieu. Vous voyez, la grâce c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas des sacrifices. Tu ne peux pas mériter le salut. Dieu ne te demande pas de payer par tes offrandes le salut. Ce que Dieu a fait, c'est quoi? Il a tout simplement donné son fils Jésus, qui est mort à la croix, par le même principe de substitution. Adam nous a représentés et Jésus nous a représentés aussi. Il est mort à notre place. C'est nous qui devrons être condamnés. Ainsi donc, par la mort, par l'obéissance de Jésus, il a totalement obéi à la loi divine et par son obéissance et en acceptant d'être condamné à notre place, nous sommes justifiés et nous avons accès à la grâce. Vous voyez, ce que Dieu nous demande, c'est de croire seulement. Il ne dit pas que tu dois mériter. Il ne dit pas que tu dois m'offrir des offrandes. C'est ça la grâce de Dieu. Vous voyez, ici, il est dit, verset 14, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels la figure de celui qui doit venir. » Mais le verset 15 ajoute, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup ? » Et le verset 18 dit, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Un seul acte de justice, c'est quoi? C'est la mort de Jésus sur la croix. Quand il est mort, la justice divine a été satisfaite en ce sens qu'un homme qui nous a représenté, qui avait le corps, la chair et le sang, a été condamné. Donc c'est un acte de justice qui fait que maintenant, lorsque nous croyons en Jésus, nous bénéficions de la grâce de Dieu. Troisième vérité, lorsque nous acceptons Christ, nous sommes appelés à régner dans la vie avec lui. Vous voyez, en tant que roi, en tant que prince, princesse et héritier, nous sommes appelés à régner. Tu n'es pas appelé à être toujours écrasé. Je parle à toi. Pourquoi tu te sens toujours écrasé? Tu as toujours peur de la sorcellerie. Tu as toujours peur de masques. Tu as toujours peur de mystiques. Tu te sens toujours écrasé. Le Seigneur te demande ce matin, lève-toi parce que tu es appelé à régner. C'est toi qui dois régner sur les forces des ténèbres. C'est toi qui dois régner sur les puissants du mysticisme. C'est toi qui dois régner même sur ta famille, en ce sens que Christ est en toi et tu dois manifester son règne dans ta vie et à travers ta vie. Vous voyez? Ici, il est dit au verset 17, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. » Vous voyez, nous régnerons par Jésus-Christ. Évidemment, dans le temps final, c'est là où nous allons palper la concrétisation de cela. Quand nous allons régner, au retour de Christ, il y aura ce qu'on appelle le millénium, le règne des mille ans. Là, nous allons régner physiquement sur la terre. Nous serons assis sur le trône. Mais déjà dans notre vie actuelle, nous sommes appelés à manifester ce règne. Nous régnerons par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, celui qui a reçu toute autorité et tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Quatrième vérité, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oui, c'est ce que dit le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous voyez, beaucoup de gens interprètent mal ce péché. Beaucoup de gens interprètent mal ces versets. Oh là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cela veut dire que je dois continuer à pécher. Ce n'est pas ça. Ça nous montre tout simplement comment Dieu nous pardonne. C'est-à-dire, quelle que soit notre vie passée, nous avons été des adultères, nous avons été des hommes corrompus, nous avons été des violeurs, nous avons été des gens méchants qui ne pardonnaient pas, des rancuniers, des idolâtres. Mais lorsque nous venons à Jésus-Christ, sa grâce surabonde en ce sens que nous recevons le pardon du péché. péché. C'est pourquoi quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui était un persécuteur, qui était un homme violent, qui était un meurtrier, lorsqu'il s'est tourné à Jésus-Christ, la grâce de Dieu a surabondé. Jésus lui a non seulement pardonné tous ses péchés, mais le Seigneur l'a appelé comme ses serviteurs. Vous voyez, personne ne peut dire que moi je suis maintenant pasteur, moi je suis maintenant homme de Dieu, servant de Dieu parce que j'ai mérité. Ce n'est pas à cause de nos études théologiques ou à cause de l'institut biblique. Nous devons d'abord reconnaître la grâce de Dieu quand nous regardons notre vie passée. Ma sœur, regarde ta vie passée. Est-ce que toi tu mérites d'être sauvé? Regarde là où Dieu t'a tiré, mon frère. Toi, tu étais voué à la condamnation. Toute ta famille vit dans le mysticisme, dans la sorcellerie. Mais Dieu a eu pitié de toi. C'est ça la grâce. Lorsque tu comprends la grâce de Dieu, tu dois être reconnaissant. Tu dois dire, Seigneur, merci parce que tu m'as tiré de la boue. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le Seigneur t'a pardonné. Aujourd'hui, le Seigneur t'a béni. Aujourd'hui, le Seigneur t'a élevé. Il ne tient plus compte de ta vie passée. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Ça veut dire il y a la grâce, la bénédiction divine vient sans tenir compte de ta vie passée. Oh, la grâce divine. Nous allons ce matin lui dire merci. C'est Dieu plein de grâce. Nous allons nous tourner vers lui. Nous allons chanter ses cantiques. À toi le roi, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage, à toi le roi. À toi le roi éternel, à toi le roi, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Ouh, à toi le roi. Louange, honne, louange, honneur et gloire. À toi le roi, sois louange, honneur et gloire. adore-le. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage, à toi le roi. Le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage, à toi le roi. Louange, honneur, louange, honneur et gloire. À toi le roi, sois louange, honneur et gloire. À jamais, amen. Alléluia, alléluia. Élevons nos voix tous ensemble. Bénissons le Seigneur pour sa grâce qui a surabondé en nous. Bénissons le Seigneur pour l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix de Golgotha. Sois béni, Seigneur notre Dieu, toi qui nous as sauvés par pure grâce en Jésus. Nous t'élevons en ce moment, ô notre Dieu. Nous te bénissons de ce que là où le péché a régné, ta grâce a surabondé. Nous te bénissons en ce moment, nous te louons, nous te glorifions, notre Seigneur, notre Dieu. Toi le Dieu qui nous a donné le don gratuit de la justification en Jésus. Nous te magnifions de ce que en toi nous régnerons. Béni sois-tu, ô notre Dieu, pour ta victoire que tu nous donnes. Tu nous promets de régner avec toi dans l'éternité. Nous glorifions ton nom et nous t'élevons dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière, OSB, Opération sur la brèche. Notre texte du jour, c'est Romains 5, 12 à 21. Vous avez la possibilité de réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir que le péché d'Adam a entraîné toute l'humanité dans la mort et la condamnation. Mais l'obéissance de Jésus-Christ par sa mort sur la croix nous entraîne à la justification, nous accorde la grâce de Dieu. Nous allons prier l'Éternel pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, qui sont voués à la condamnation, Tu vas prier pour un ami. Tu vas prier pour un parent. Tu vas prier pour le pays où les gens ne reconnaissent, ils rejettent Jésus-Christ. Ils continuent à tuer. Ils continuent à faire la méchanceté. Tu vas prier même pour tes chefs. Si tu as un patron qui ne connaisse pas Jésus, prie pour que Dieu se révèle à lui, au nom de Jésus. Très excellent Père, toi qui disposes de toutes choses et toi qui nous les donnes chaque jour, nous te rendons grâce ce matin et nous te demandons de recevoir notre prière de reconnaissance. Reconnaissance parce que ce n'est pas par nos propres moyens que nous sommes enfants de Dieu. Reconnaissance parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ, ton Fils bien-aimé, est mort pour nous. Et ce matin, ô Père éternel, nous prions et nous intercédons pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu ton Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui donc ne sont pas encore enfants de Dieu. Nous prions, Père, et nous déclarons que tout obstacle, tout blocage, tout voile, tout ce qui les empêche de percevoir la vérité et de rentrer dans ta grâce soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour nos proches qui ne te connaissent pas encore. Nous prions pour nos bien-aimés. Nous prions pour ceux qui sont contre nous, pour nos ennemis, pour nos adversaires, afin qu'ils puissent découvrir quel est le privilège qu'il y a d'être enfant de Dieu. Nous prions pour nos responsables, nous prions pour nos patrons, nous prions pour nos subalternes, nous prions pour nos voisins, nous prions pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore et qui ont choisi d'autres voies en pensant que c'est la meilleure voie pour avoir accès à toi. Nous prions, Père, pour la révélation et nous déclarons que toute forme d'aveuglement est ôtée au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour cette grâce, pour ce privilège, pour ce bonheur que tu mets à la disposition de tous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que ceux qui reçoivent Christ régneront dans la vie par lui seul. Tu es appelé à régner. Tu vas prier maintenant. Tu vas proclamer le règne de Dieu là où tu es. Peut-être que là où tu travailles, il y a des gens qui vivent dans le mysticisme, qui cherchent à dominer sur toi, qui cherchent même à comploter pour qu'on puisse te chasser de ton poste. Tu vas proclamer, tu dis, je suis appelé à régner. Même dans ta famille, où il y a des gens qui adorent des os, qui adorent des fétiches, oui, ils cherchent à dominer, à retenir tout le monde dans l'esclavage. Tu vas proclamer, tu es appelé à régner avec Jésus, par Jésus dans la vie. Tu es appelé à régner sur toutes les forces des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Gloire te soit rendue à jamais, notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus-Christ, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le pouvoir des scorpions, Oh, sur toute la puissance du diable et rien ne pourra nous nuire. Nous croyons au pouvoir de ta parole parce qu'elle est l'épée de l'esprit. Dans nos maisons, il y a des mystiques, des enchanteurs, des idolâtres, des occultistes, des médiums, des spirites. Sur le lieu de notre travail, là où nous allons à l'école, partout, nous sommes observés, nous sommes suivis à la loupe, à une erreur. Le diable rôde autour de nous, mais ce matin, nous régnons, nous dominons au nom de Jésus de Nazareth, au nom du lion, la tribu de Judas, et nous plantons la croix de Jésus-Christ, nous versons le sang de l'agneau, le feu du Saint-Esprit est allumé, et nous détruisons, nous brisons, nous renversons, nous marchons sur les œuvres, et nous les intimons l'ordre de s'agenouiller devant le pouvoir de Jésus-Christ. Nous marchons, et nous marcherons de victoire en victoire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Regarde ta vie passée. Dis Seigneur, merci ô Dieu, parce que tu n'as pas tenu compte de ma vie passée. Tu ne tiens pas compte de mes péchés pour que je sois ton enfant, pour qu'aujourd'hui je sois appelé à te servir. Oui, la grâce de Dieu, quand tu comprends que cette grâce surabonde, tu dois réellement te donner à lui, tu dois te consacrer à lui, tu dois le servir de tout ton cœur. Prions le Seigneur afin qu'il nous accorde ses ailes pour lui, parce que nous avons compris que la grâce a surabondé là où le péché a abondé, comme c'était le cas de l'apôtre Paul. Prions le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te bénis. Je cherche en toi ton refuge. Je cherche et je proclame que tu es Dieu, ta grandeur est éternelle. Tu m'as relevé de mes faiblesses, de mes forces et tu m'as justifié. Tu as fait de moi un enfant de Dieu, un fils du royaume, un serviteur. Quelle grâce! Tu m'as retiré de la boue et tu m'as donné une nouvelle identité en Christ. C'est pour cela que je veux te dire merci. Parce que là où le péché avait abondé, là où le péché était, tu m'as restauré, tu m'as renouvelé, tu m'as mis au large. Et maintenant, je vois ta main puissante dans ma vie. Je vois cette main puissante dans la vie de mes sœurs, de tes bien-aimés. Je vois ta grâce surabondée dans la vie de tes enfants. Je vois maintenant le salut dans nos cœurs. Je vois la vie de Dieu. Je vois la santé divine. Je vois les percées surnaturelles. Je vois le bonheur. Je vois le mariage. Je vois l'enfantement. Je vois le travail. Je vois un ministère glorieux. Je vois de grandes portes qui s'ouvrent au-devant de nous. Je vois et je vois les grâces abondées, multipliées dans la vie de tes enfants. Je vois des portes de voyage qui sont ouvertes. Père, merci, parce qu'avec toi, nous allons de gloire en gloire. Avec toi, nous allons de réussite en réussite. Avec toi, nous régnons, nous progressons, nous avançons. Malgré, Seigneur notre Dieu, les vicissitudes de ce monde, nous pouvons avancer, nous pouvons aller à un prochain niveau. Prends toute la gloire, parce que c'est toi qui nous fais avancer, et c'est en ton nom que nous avons apprécié et rendu grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre programme Bonheur Conjugal pour le dimanche 14 février. Nous allons poursuivre le thème de la fois dernière, quitter la cendre pour porter les diadèmes. la puissance divine va se manifester dans ta vie pour que cet habit de cendre, cet habit d'humiliation soit ôté, soit déchiré et que cette année tu portes un habit de fête, un diadème. L'entrée est libre. Nous aurons deux services. Le premier commence à 16h et le deuxième à 18h. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.